Jean-Pierre est un pur produit de l'Aude. Artisan dans le Lauragais près de Castelnaudary, il vous fera visiter sa poterie aux méthodes ancestrales où sont encore tournés à la main les fameux plats à cassoulet. Vous le découvrirez, Jean-Pierre est authentique, autant que ses cassoles. Jean-Pierre vous dévoile ses meilleures expériences à vivre dans l'Aude sur audetourisme.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je raconte souvent cette histoire-là d'un monsieur qui vient à mal estomac. À chaque fois qu'il est contrarié à mal estomac, il n'y a pas que lui qui fait ça, ça arrive très souvent. Il dit « Pourquoi t'as mal estomac ?»« Ah, j'ai mal estomac et tout. » Et je sais, parce que je connais la famille, je la suis, qu'il est au chômage depuis longtemps, que sa femme travaille un salaire mais pas beaucoup, qu'ils ont trois enfants, et que ça hantise de sa femme que j'ai vu grandir à ces formats, c'est de pas pouvoir payer le loyer. Et alors je dis, mais allez, dis-moi pourquoi cette fois-ci t'as mal à l'estomac. Eh ben j'ai trouvé du travail. Et pourquoi t'as mal à l'estomac, t'as trouvé? Mon cousin, il m'a trouvé un travail à l'aéroport de Roissy. Ben je lui dis alors super. Il me dit non, je peux pas prendre le travail. C'est la nuit, il y a pas de transport en commun et j'ai pas de voiture. Et comment je vais faire? Et là, je suis le médecin. J'ai le médicament, je sais ce qu'il faut lui donner. Mais ça sert à rien. Il faut lui donner, c'est une bagnole. Mais je prescris pas des voitures. Sauf que la santé communautaire, je connais dans le code de la santé communautaire ce garagiste qui est aussi un patient du... Eh ben, j'appelle le garagiste. Vous pouvez pas nous dépanner, là. J'ai un patient, en plus, il est de ton pays et tout... Et si, il n'y a pas de souci, docteur, mais au contraire, ben, qu'ils viennent me voir. Et ils font affaire. Il te payera quand, il s'arrange. Il a sa voiture, il peut aller au boulot. Et il n'a plus mal à l'estomac. Et en plus, le garagiste, il vient me remercier d'avoir pensé à lui pour rendre service à un de ses collègues. Donner, recevoir, rendre. C'est une règle importante dans les cités, dans la médecine. Je te donne, tu me rends. Je te donne, tu me rends. Faire de la santé autrement. Une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralide. Épisode 2. Soigner les corps abîmés par la société, les centres de santé communautaires. Nous sommes à la place d'Arnaud Bernard, située près de la station, à 100 mètres de la station de Compense-Cafarilly, où il y a une association qui se nomme La case de santé. La case de santé qui prend très soin des citoyens français et d'ailleurs des étrangers car on trouve que les étrangers sont très discriminés. Donc là, ils sont là pour faire l'antidiscrimination et ça, c'est très très cool. Ça prouve un geste de solidarité et qu'il y a encore de la solidarité malgré que ça va mal, quoi. Bah, du coup, là, on est dans la salle d'attente de la case de santé. C'est là où on accueille toutes les personnes qui viennent, on fait un accueil inconditionnel. Toutes les personnes repartent au moins avec une réponse, qu'elles soient suivies en tant que médecin traitant à la case de santé ou pas. Et donc l'accueil, ça se passe ici, il y a un accueillant. Et il y a tout un espace là qui est un espace de soignants, où il y a des professionnels, donc il y a les travailleurs sociaux, il y a les médecins qui des fois consultent ici, et aussi une sage-femme. Voilà. Et une infirmière. Et les psychologues qui sont de l'autre côté, souvent ils ne consultent pas trop ici. Si ? Là, il y a les toilettes qui sont... Ouais, je vous présente les toilettes quand même, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Donc là, c'est le couloir où les personnes, elles rentrent par ici. Là, c'est un autre espace de la case de santé. Là, on a un bureau qui est condamné parce qu'en fait, on a des inondations. Donc, on travaille quand même dans des conditions assez précaires ici, en vrai. C'est un vieux bâtiment, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Et là, je vais vous amener au cœur de la case de santé. Même si on trouve, par exemple, un autre lieu... On aura toujours ce qu'on appelle une salle collective. Ici, ça s'est appelé la salle du 17. C'est là où se passent toutes les organisations collectives. Les gens se rencontrent ici. Quand on a fait, par exemple, grève en 2012 et en 2014, c'est ici qu'on s'est organisé avec les usagers et usagères. Et du coup, c'est aussi devenu pendant le Covid une deuxième salle d'attente plus conviviale. Elle est très grande. Elle fait plus de 100 mètres carrés. Elle est chaleureuse. Il y a des couleurs. Il y a des photos des usagers, des luttes qu'on a fait, notamment autour des questions des sans-papiers, notamment des photos du collectif Étrangers Malades, mais il y a aussi des photos de l'anniversaire de la case. Donc tous les moments conviviaux où les personnes ont participé. Pendant notre passage, nous verrons dans cette salle des médecins préparer une chorba avec des usagers pour un repas collectif. Une jeune médecin stagiaire nous dira, l'air pensif, « Il se passe vraiment quelque chose ici. Vous connaissez beaucoup de lieux, vous, où des médecins cuisinent pour leurs patients ?» Parce que la convivialité, elle s'organise aussi autour d'un repas, ou d'un goûter, ou d'un café, ou d'un thé, ou des gâteaux, peu importe. Mais en tout cas, il y a un lien qui amène à ce que les gens aussi puissent être ensemble, communiquer ensemble. Il y a des canapés aussi, quand les gens qui viennent, qui sont très malades, puissent s'allonger, se reposer. Et on est propriétaire du lieu, mais depuis peu. Depuis en fait, depuis 3 ans, ouais. On a pu faire un crédit pour acheter le lieu, du coup. Et malgré tout ça, on est encore serré, en vrai. Et dans le bureau du fond, en fait, se passe la médiation en santé, ou la permanence sociale, où c'est des gens sans rendez-vous qui viennent. Les gens viennent parce qu'ils ont une question administrative ou autre, et du coup, rencontrent un travailleur social ou quelqu'un de la médiation en santé. Virginie, médecin généraliste. Nous sommes dans le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse, un des derniers quartiers populaires de la ville et historiquement un quartier lié au mouvement de migration. C'est un des quartiers qui est touché encore actuellement par des inégalités sociales de santé. Donc c'est là en soi qu'il y a toute une pertinence à ce que le projet de la case de santé se soit inscrit, se soit développé ici. Les problématiques liées aux inégalités sociales de santé sont des pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Enfin, la liste est quand même assez longue et elle est bien connue maintenant. À la fois plus de pathologies de ce type et puis plus de complications. J'aurais juste rajouté un truc sur le quartier qui est quand même une particularité, c'est que Audrey, infirmière. Donc il y a un processus de gentrification en cours et qui fait qu'on vit quand même régulièrement sous siège policier. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a une présence policière très forte sur le quartier et sur la place en fait, parce que le quartier, on parle de quartier, mais globalement c'est la place et 3 ruelles autour et qui impacte aussi notre travail fondamentalement parce qu'on travaille avec des gens qui pour beaucoup n'ont pas de titre de séjour et qui du coup ont peur aussi de venir ou ne viennent pas en rendez-vous parce qu'ils arrivent et qui voient la police sur le quartier, et que ça impacte quand même pas mal notre travail. On accueille des gens qui sont dans des situations de grande précarité sociale, du coup une instabilité de vie, pas de logement, pas d'accès à l'alimentation, même prendre un métro, on n'a pas de thune pour payer le ticket de transport, et tout ça, ça complique énormément l'accès aux soins, parce que l'enjeu de la journée, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on va bouffer et comment on va dormir ce soir, et où finalement, prendre un rendez-vous chez un médecin devient soit pas la priorité, soit vraiment très compliqué, aussi parce qu'il n'y a pas de crédit dans le téléphone, parce qu'on n'a pas accès à un ordinateur pour prendre un rendez-vous sur Doctolib, puisque tout passe par Doctolib aussi aujourd'hui. Et ce que je rajouterais aussi sur l'obstacle aux soins, c'est quand même qu'on accueille des gens qui sont victimes de beaucoup de discrimination, et notamment de racisme, de sexisme, qui font qu'on a plein d'usagers, usagères qui ont eu des expériences hyper compliquées, voire douloureuses, voire traumatiques avec les professionnels de santé, et pour qui du coup il y a une vraie méfiance parfois d'y retourner, peur de pas être compris, peur d'être discriminé. La santé communautaire, c'est une autre façon de faire de la santé. C'est-à-dire que la santé, ça ne va pas seulement être une maladie, un traitement. La santé, elle peut se voir que dans la globalité, en prenant en compte tous les déterminants de la santé, et donc notamment les déterminants sociaux de la santé. Donc ça sous-entend que si on veut agir en santé, il va falloir mettre en œuvre des choses qui ne sont pas seulement médicales, d'où le sens de travailler en pluridisciplinarité, avec accueillants, médiateurs en santé, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, sages-femmes, sans oublier les administrateurs pour pouvoir, bien sûr, nous aider à fonctionner. Tout a commencé en 2004. C'est des personnes qui se sont rencontrées autour du film Un racisme à peine voilé. Sama, médecin généraliste. C'était Jérôme Host qui l'avait monté. Donc il faisait partie de l'équipe initiale. Il y avait aussi 3 autres personnes, un médecin qui commençait déjà à réfléchir un peu, à avoir déconstruit cette idée que tout était autour du médecin, que la santé, elle était, c'était une question de médecin. Il y avait 2 autres personnes, du coup, dont une qui était éducatrice sociale. Donc toutes ces personnes, en fait, sont issues d'un mouvement qui s'appelle le mouvement immigration et banlieue. Et en fait, ces 4 personnes se sont rencontrées, ont voyagé, ont été rencontrées les maisons de santé belges, où là-bas, en fait, il y avait déjà, ça existe déjà, une autre organisation de santé premier recours. La France est encore très en retard là-dessus, ça fait que très peu que c'est reconnu. Et il y avait aussi au Québec des espaces communautaires, ils ont été là-bas aussi pour rencontrer ce qui se faisait déjà. Le contexte à l'époque, en France, il n'était pas du tout favorable à ce genre de nouveau fonctionnement en santé. Et donc il a fallu batailler au fur et à mesure pour réussir à ouvrir la structure donc en 2006, et puis que ça puisse perdurer et que ça puisse... qu'il puisse y avoir des subventions aussi progressivement et que ça puisse prendre la taille qu'elle a actuellement où effectivement on est arrivé à 28 salariés. L'équipe fonctionne en autogestion, c'est-à-dire qu'elle discute collectivement de toutes les décisions qui concernent le centre. L'autogestion prend du temps et de l'énergie, mais, disent les salariés, elle est cohérente avec l'idée que la santé doit être plus horizontale, qu'il faut en finir avec la hiérarchie qui place les médecins au-dessus de tous les autres, même si l'idéal égalitaire doit parfois composer avec la réalité des pratiques. Alors, initialement, en fait, il y avait une égalité salariale. Et en fait, est venu historiquement déjà une prise en compte qu'il y avait en fonction des rôles de chacun dans l'équipe, des responsabilités qui étaient différentes, surtout principalement des responsabilités. Donc il y a eu, notamment pour les médecins, à ce moment-là, un salaire qui était un peu plus élevé. Et puis après, progressivement, il y a eu de plus en plus de métiers différents. Il y a ça aussi, la multiplication. Et surtout, la difficulté de recruter, notamment des médecins, par comparaison, en fait, avec, effectivement, ce qui se passe. Encore une fois, on a des volontés, mais on n'est pas coupé du monde extérieur et de la réalité, en fait, de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, c'est cette réalité-là, principalement, qui a influencé ce qui s'est passé après. Et donc, il n'y a plus l'égalité au niveau salarial, mais on limite le plus possible les écarts et on rediscute très régulièrement. Et donc à chaque fois, cette discussion-là, elle est reprise pour trouver le juste équilibre. Didier Ménard, je suis médecin généraliste, maintenant à la retraite des soins. Depuis une dizaine d'années, mais pas du tout à la retraite de l'investissement dans la construction d'un modèle alternatif au système de santé d'aujourd'hui et des soins primaires. Je participe au développement de la santé communautaire. Rien me prédestinait à être médecin. Pour moi, issu d'un milieu populaire, j'ai grandi dans une cité. Obtenir le bac, c'était déjà assez exceptionnel et c'était la fin de l'aventure des études. Après, on cherchait du travail, et si possible, un travail manuel, un vrai travail. Pour moi, médecin dans un quartier populaire, c'était surtout retrouver le monde que je connaissais le mieux. Le fait d'avoir rencontré pendant mes études de médecine le monde, j'allais dire, de la bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, qui étaient d'ailleurs très souvent très sympas avec moi, mais qui me regardaient un peu comme quelqu'un effectivement de différent. Je me suis dit, il faut que je puisse exercer la médecine dans un milieu que je connais. La pluriculture, la jeunesse, enfin voilà, il y avait, bon, pour moi, et puis ces grands ensembles, ces humains, moi j'étais à l'aise, je connaissais les codes. Je savais interpréter ce qui se passait. Je connaissais tous les processus de violence, comment ça se construisait, comment fallait se situer, les phénomènes de bande, tout ça. Ça a été mon éducation. Et donc, je me disais, autant être à l'aise pour exercer la médecine dans un milieu. Et puis, les valeurs que moi je défendais de solidarité, de lutte déjà contre les inégalités. J'étais en colère. J'ai fait mai 68, hein. On n'était pas beaucoup d'enfants de la banlieue à faire mai 68, mais donc je les ai imprégnés sur un discours politique, de lutte contre les inégalités, l'injustice sociale, la souffrance sociale. Tout ça, c'était quelque chose dont j'étais parfaitement conscient. Et donc, essayer de faire la médecine, c'était aussi essayer dans ma tête de réparer un peu ça. Et j'avais pas peur de recevoir l'expression de cette souffrance. Et en plus, comme médecin, eh ben, je disais, j'aurais peut-être des moyens d'agir pour aider les gens à devenir eux-mêmes des militants de lutte contre leur propre souffrance. Parce que quelque chose qui m'a toujours gêné, c'est un peu le fatalisme des couches populaires, des gens, on est de la cité, nous on est des pauvres, nous on n'a pas la chance, donc bah, c'est normal qu'on en chie, c'est normal, si, c'est normal. Non, c'est pas normal. Alors là, du coup, on arrive au premier étage de la case de santé, bienvenue. Il y a encore un bureau médical ici et social. Tous les bureaux médicaux se ressemblent en fait, et sociaux, il y a toujours une table d'examen, un point d'eau, un bureau, voilà, des jeux pour les enfants, et des photos qui racontent un peu l'histoire, voilà, comme ça les gens ils se souviennent encore qu'il y a des choses qui se sont passées, mais il y a aussi tous les groupes collectifs qui existent, enfin on essaie de les afficher dans les bureaux aussi. Les consultations ici durent en moyenne 30 minutes pour les cas simples et une heure quand c'est plus complexe. Le temps que la parole se libère, que le symptôme pour lequel on vient consulter laisse place à autre chose. Une situation familiale douloureuse, un logement précaire, une absence de papier. Ces questions sont si importantes que l'équipe a créé en 2011 un pôle spécialisé. Il y a eu cette création du pôle santé droit pour répondre à des questions sur l'accès aux droits, l'accès aux soins. Et sur la question de vulnérabilité de façon globale, enfin les personnes qui ont problème avec leur travail, accident de travail, etc. La question des personnes handicapées, les personnes âgées, la question des Shibani, mais aussi la question des étrangers malades, parce que la case de santé est devenue une référence, un lieu référent pour la question du droit au séjour. On a développé des compétences ici, mais aussi une expertise au niveau médical, mais aussi social, pour accompagner des personnes sur cette question. Aujourd'hui, en fait, c'est le pôle santé droit, il s'est développé aussi sur la permanence téléphonique, mais aussi sur de la consultation médicale, qu'on a appelée pivot. Et il y a plein de choses qui expliquent que cette consulte, elle existe. Et à la fois, il y a de moins en moins de médecins aussi. Peu de médecins qui ont aussi accès à de l'interprétariat téléphonique. Du coup, ça fait que il y a des personnes qui sont orientées ici, où on peut parler avec eux avec l'interprétariat téléphonique. À la case aussi, alors c'est un choix, hein, que des personnes soient arabophones dans l'équipe, parce qu'on accueille beaucoup de personnes qui sont arabophones aussi, anglophones aussi, et bien d'autres langues, et du coup, c'est là où on a besoin de l'interprétariat. Du coup, il y a la permanence téléphonique, il y a la consultation pivot, un programme autour du droit au séjour pour raison médicale. Qu'est-ce que c'est le droit au séjour pour raison médicale et dans quelle mesure il est appliqué ? Le droit au séjour pour raison médicale, il est né sur les luttes autour de la double peine et des personnes porteuses du VIH. Et donc il y avait beaucoup d'associations qui ont dénoncé en fait le renvoi des personnes dans leur pays ou dans les pays où potentiellement ils n'avaient pas accès au traitement pour leur maladie. De là est née la loi Chevènement en 98, qui dit qu'une personne peut accéder à un droit au séjour sur certaines conditions, donc c'est avoir une maladie qui nécessite un traitement ou un suivi, et en l'absence de ce traitement, de ce suivi, son état de santé peut s'aggraver, avoir soit un risque vital, soit un handicap. Il y a toujours du flou dans la loi. Et le dernier point, et qui est ce sur quoi joue beaucoup l'État, c'est l'accessibilité des traitements. Alors, du coup, sur ce droit au séjour, en fait, il s'est endurci d'année en année. Alors déjà, il y a aussi la posture de quand même raconter que c'est compliqué pour les gens. Ils mènent deux combats, à la fois la maladie et à la fois le parcours administratif. Alors, au début, c'était le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur qui étaient sur le droit au séjour. Donc, c'était l'Agence régionale de santé qui rendait un avis à la préfecture. Et là, maintenant, c'est que le ministère de l'Intérieur. On ne sait pas comment ils décident. Du coup, donc tout ça, c'est flou. Il y a des personnes qui peuvent avoir un titre de séjour étranger malade, par exemple, pendant 3 ans, et après se voir refuser. Leur état de santé a pour autant pas changé. Et donc, ça complique de façon très pragmatique aussi tout ce que la personne a mis en place pendant toutes ces années, et pour sa santé, et pour au niveau familial ou de vie tout court. C'est une machine à construire de la précarisation une fois qu'on a perdu ce statut-là. Ça devient une pathologie de régulariser sa situation administrative parce que tout est lié, en fait. Une personne qui n'a pas de titre de séjour, il n'aura pas la possibilité d'avoir un hébergement, il n'aura pas la possibilité d'avoir une protection maladie. Quand les personnes se retrouvent en situation irrégulière, la priorité, ce n'est pas leur santé. Souvent, on se retrouve à gérer d'autres urgences. Donc là, on rentre dans la partie du coup où on s'organise. Là, il y a le bureau du pôle administratif, appelé la grotte aussi, parce qu'il est sombre. Bonjour. Et là, c'est la salle collective de la case de santé où on s'organise tous les matins. On mange ensemble aussi le midi ici. C'est un peu la salle multifonction, quoi. Réunion, repas, espace de travail. On y fait un peu tout ici. Alors, on a quand même à la raison. Il y a quand même un coin de pause en vrai. On fait quand même des pauses. Donc, c'est là où on fait les pauses. En fait, il y a des petites. Même quand il fait froid, on est dehors. En gros, pour faire les pauses. On n'a pas de lieu intérieur où on peut faire des pauses. Du coup, ça se passe ici. Non, c'est une terrasse qui appartient au privé ici, mais qui est du coup rattachée quand même à ce lieu-là. Ce lieu-là, il est. Enfin, en tout cas, pour moi, il est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup qui se joue, quoi. Vu qu'on a des plannings très chargés sur nos tafs, en tout cas sur toute la question de l'autogestion, c'est des endroits où c'est que ça permet en informel de se questionner, de se parler de trucs dont on n'a pas le temps parce qu'on a des plannings surchargés et qui font que du coup on élabore aussi énormément dans ces moments de pause qui paraissent pas mais qui en fait sont très constructeurs, je pense, de ce qui se passe ici, quoi. Sur le centre de santé, il y a 4 médecins généralistes, une sage-femme, une infirmière, 2 travailleuses sociales, 2 médiateurs, médiatrices en santé, 4 accueillants, accueillantes, 2 psychologues, pas à temps plein, à mi-temps, 2 coordinateurs administratifs et financiers, mais qui sont transversaux de toute la structure. Et il y a aussi une personne qui fait l'entretien des locaux et qui est aussi transversale. Voilà. Et sur le pôle santé droit, il y a 2 médecins, 3 travailleurs sociaux. Et du temps qui est rattaché de psychologues et de sages-femmes aussi sur le pôle santé droit. Plus 3000 usagers, quand même. Parce que c'est quand même aussi l'équipe aussi. Je suis Marie, je suis usagère à la case de santé. Je suis d'origine africaine, je viens du Cameroun. Je suis arrivée en France en 2013. Et dès que je suis arrivée, je ne sais pas si c'est le climat ou bon, je ne sais pas quoi, je suis tombée malade. Il y a une amie qui m'a amenée à Purpan, à l'hôpital à Purpan, et c'est là-bas qu'on a découvert que je suis atteinte d'une maladie vraiment sérieuse et qu'il me fallait suivre un traitement. J'ai commencé à suivre les rendez-vous à l'hôpital, et c'est comme ça que un jour, j'avais déjà fait environ 3 mois en France et j'ai vu la police débarquer là où j'étais. Ils m'ont demandé ce que je foutais là. J'ai décliné mon identité, j'ai même sorti ma pièce d'identité de mon pays. Ils m'ont dit, ça c'est quoi ça? Vous êtes une personne irrégulière. On peut dire une personne non grata. En tout cas, sachez, madame, que la France n'est pas le paradis. Vous venez ici, vous quittez vos pays et vous venez ici comme ça. Bon, moi, je ne comprenais pas. Ils étaient vraiment agressifs envers moi. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis rapprochée du chef. le chef qui me dit « Lundi, vous venez à Blagnac et vous venez avec un billet d'avion. » Comme j'avais peur, j'ai demandé conseil à des voisins qui m'ont dit « Non, si on vous demande le billet d'avion, c'est pour vous renvoyer chez vous. » Alors, on m'a conseillé, il faut aller à la case de santé. Et je suis arrivée à la case de santé, j'ai trouvé un personnel vraiment humain, ils m'ont accueilli. La case de santé, c'est un espace, un endroit où on est en plein dans l'humanité, dans l'égalité, où on retrouve un peu de sa dignité, où on peut être orienté pour ses soins, pour avoir ses papiers, pour être intégré. Alors ici, ils m'ont accompagné pour aller à la préfecture. J'ai eu mon premier titre de séjour en 2015, janvier 2015. Et est-ce qu'à la Caisse de Santé, vous avez participé à des ateliers ou des moments collectifs aussi? On a même été amené à créer le collectif des étrangers malades pour discuter de nos problèmes, pour nous soutenir, pour avoir un soulagement, pas seul avec les professionnels de la case. En France, quand on parle santé, on parle médecine. Et on réduit la santé à la médecine, c'est-à-dire à la souffrance du corps, organique ou psycho-fonctionnel, peu importe. Et donc, en étant militant de la santé communautaire, on pose aujourd'hui la question de la finalité de ce que veut dire être médecin aujourd'hui, être soignant. Est-ce qu'on soigne simplement la maladie ? À travers la pharmacologie, à travers tout ce qu'on sait faire d'une manière remarquable. Mais la domination aujourd'hui du modèle biotechnologique grâce au succès considérable de la biotechnologie, et qu'évidemment je suis le premier à utiliser en tant que médecin, mais c'est pas ça ma finalité. Ma finalité, c'est que tout le monde ait accès à ça et que la personne qui est porteuse de cette maladie devient, avec l'aide des soignants, acteur de sa maladie. C'est vraiment un regard politique sur la souffrance qui s'exprime dans un cabinet médical, sur l'exclusion, sur le racisme, les violences vis-à-vis des femmes, l'inégalité des salaires, enfin tout ce qui va se matérialiser concrètement dans la vie de la personne à travers l'expression de la douleur, que ça soit tout simplement à la consultation, une femme que je trouvais très palote. Je la trouvais de plus en plus pâle. Et elle venait pour son enfant qui était un enfant asthmatique. Et à chaque fois que l'enfant faisait une crise d'asthme à l'école, l'école appliquait la règle, elle appelait le SAMU, l'enfant était hospitalisé. Et il y avait donc l'argent à payer de l'hospitalisation. L'enfant n'était pas pris à 100%. Parce que pour être pris à 100%, il faut faire un bilan d'une journée entière à l'hôpital, accompagné par la mère. Et on n'arrivait pas. Entre les disponibilités de l'hôpital et la possibilité pour la mère d'avoir un jour à organiser cela. Et ça durait depuis presque un an. Et donc, je voyais cette jeune femme que je connaissais bien et je lui disais, mais pourquoi t'es pas l'autre comme ça? Et je lui dis, voilà, je te fais une ordonnance, fais une prise de sang. Oui, je vais la faire. Et puis un jour, je me mets en colère, je lui dis, écoute, ça suffit, tu me fais sa prise de sang. Elle se met à pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu vois, les factures, j'ai du mal à les payer de l'hospitalisation de mon fils. Donc, j'ai fait un emprunt, un crédit à la consommation pour payer l'hôpital parce que j'avais une dette. Mais j'arrive pas à rembourser et j'ai pas le temps de me soigner, moi. Et j'ai dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais comme souvent dans les milieux populaires, mais je veux pas t'embêter avec ça. Je veux pas que t'aies honte de moi, que j'arrive pas à élever mes enfants toute seule. Évidemment, grâce à la santé communautaire, il a été assez facile de trouver une solution parce que la santé communautaire, c'est ça. J'ai fait intervenir les médiatrices de l'association pour régler les dettes. Et puis surtout, j'ai appelé le médecin conseil de la sécurité sociale. Je n'ai pas fait le bilan. On ne pourra pas faire le bilan, mais je veux les 100% tout de suite. Je lui ai expliqué. Mais il n'y a pas de problème. Et elle a fait sa prise de sang. Elle avait 7 grammes d'hémoglobine sur une hémorragie gynécologique qui durait depuis des mois. Il était temps de faire quelque chose. Elle était malade. Mais l'expression de sa maladie dans sa réalité sociale et un système qui est pourtant bien de protection de l'enfant à travers ce qu'on appelle les 100% pour pas faire l'avance des frais, eh ben voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est politique. À la caisse de santé, Raïssa, Faïza, Toufik sont médiatrices et médiateurs de santé, comme Najat et Audrey l'étaient avant de devenir travailleuses sociales et infirmières. Moi, je dirais qu'on est l'interface entre les patients et les soignants pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Et surtout, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont en errance médicale. Donc, c'est aussi de les accompagner pour avoir une certaine autonomie. On s'est rendu compte aussi que certaines personnes, ils sont tombées malades ou sont devenues malades à cause de leur situation sociale. Quand on perd un travail, donc ça génère un stress. Il y a même des médecins qui ont relevé certains cas de diabète qui est venu parce que la personne elle se retrouve dans une situation très précaire. Quand on habite dans un appartement insalubre, ça génère des maladies aussi. Moi, je vois la médiation, c'est une proximité avec les personnes. C'est première chose, être à l'écoute quand personne ne les écoute. Enfin, pour mon expérience personnelle, c'est de aussi se voir dans son propre parcours et partager avec ces personnes une partie de ce parcours-là qui est peut-être similaire. Essayer de trouver des solutions ensemble ou des possibilités en travaillant avec les autres professionnels de santé ou avec des partenaires à l'extérieur. On fait toujours les choses avec les personnes, jamais à leur place. Donc on peut conseiller, on met la décision, elle revient en fait. Donc plutôt, on les pousse à oser. Il y a des médecins en fait qui auscultent pas. Voilà, on explique que non, vous avez le droit de dire à votre médecin en fait, ça peut pas se passer comme ça. C'est une visite. Voilà, je viens vous voir pour que vous regardiez ce que j'ai. Donc si je prends le temps de vous expliquer, vous pouvez aussi prendre le temps pour m'écouter. Et ça, plusieurs personnes quand on les rencontre disent ouais, mais j'ai pas osé parce que c'est un médecin. Voilà, donc. En fait, il y a une sorte de désappropriation de notre parcours de soins aujourd'hui parce que tu es face à des spécialistes, à des gens qui ont des connaissances qui, je pense, ne sont pas volontairement partagées et que du coup, l'idée, c'est à notre petite échelle d'essayer d'accompagner les gens pour que, je sais pas, typiquement, assumer de dire « bon, ben moi, ça, en fait, je sais pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Est-ce que il y a d'autres possibilités que celles que vous me proposez ? Se sentir légitime de pouvoir venir questionner un parcours qui souvent est quand même très établi et très dirigé par des spécialistes dont on n'a pas les codes, dont on n'a pas le langage. Ici, on applique un peu le principe de Mandela. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. Par exemple, certaines personnes arrivent voir un médecin sans traducteur et qui ne parlent pas la langue. Et du coup, ils ont du mal à comprendre. Donc, ça nous arrivait ou de les accompagner ou de rappeler le médecin pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Certaines personnes sortent d'un centre de soins. On s'assoit qu'ils ont un problème d'hébergement. Donc, voilà, c'est l'hôpital qui met les gens à la rue. Et donc, c'est notre rôle aussi, au fait, d'appeler pour eux, d'appeler le 115, d'essayer de trouver des solutions d'hébergement aussi, parce que tout ça, ça génère des problèmes de santé, en fait. Ils expérimentent avec nous des relations où on tend le plus vers une relation égalitaire, même s'il se passe toujours des enjeux de fait parce qu'on est quand même professionnel, on est salarié. Pour autant, on essaye au maximum de tendre vers ça pour qu'ensuite, il y ait un gain de confiance, pouvoir aller à la bataille dans les hôpitaux, les cabinets de médecins, les rendez-vous avec des assistantes sociales et qu'ils aient un peu pris du pouvoir. Il faut rappeler qu'il y a certains médecins qui refusent des patients qui ont l'aide médicale de l'État. Ça, c'est un refus de soins. C'est interdit par la loi. Donc, c'est à nous aussi de rappeler aux médecins que non, en fait. Certains le prennent mal, quand même. Donc, c'est comme si on leur rappelle à leur devoir, alors que c'est exactement ce qu'ils devraient faire. Donc, Moi, j'ai eu un peu toutes les réactions des professionnels, autant du social que du médical. Mais si je voudrais catégoriser, on a eu des relations assez compliquées avec le milieu du social, qui a pas pour habitude que des gens de l'extérieur, et notamment des professionnels, pénètrent dans les espaces de rendez-vous qu'ils ont avec les gens. Et je crois que la première réaction, c'est « Média quoi ? Qu'est-ce que vous faites quoi, en fait ?» Et je crois qu'il y a toujours cette première réaction de devoir expliquer qu'est-ce que c'est que ce métier, et il s'explique pas en deux mots, en fait. Donc ça, c'est toujours la première réaction. Et ensuite, parfois, du refus ou de l'incompréhension de la présence, ou des consultations où les médecins me parlaient à moi. Et il fallait dire, non, enfin, c'est pas moi, la patiente, en fait, c'est cette personne-là, et c'est à elle que vous devez vous adresser. Du coup, il y a plein de réactions, et aussi des réactions positives, hein, il y a pas que ça, mais après, moi, je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui est constaté par les gens qu'on accompagne, c'est que dès qu'il y a une présence tiers, ou en tout cas qui fait témoin, même quand on ne dit rien, la relation avec le professionnel est complètement changée. Parce qu'ils sont regardés. Et ça, c'est assez puissant quand même pour les usagers, en fait. Il nous arrive d'avoir des permanences, par exemple, dans des lieux où nous savons, lieux compliqués. Aller, par exemple, juste à côté, par exemple, à l'Ostalada. On sait que beaucoup d'SDF prennent leur café là. On y va parce que éloignés des soins, parce qu'ils n'ont pas de lieu de vie. Et donc, pour les amener à suivre leur santé, il faut bien aller vers eux. On peut être amené à aller dans la rue si on le sent. On peut rencontrer une personne dans la rue qui n'est pas très bien, et en tant que médiateur, on sera facilement interpellé. Et aussi, on a des patients qui sont suivis ici déjà, qui auront des difficultés à venir se soigner. Une personne qui est en grande dépression, par exemple, avec asthénie, ou une personne avec des troubles, des problèmes d'addictologie et tout, elle aura forcément des moments où elle ne pourra pas s'engager à suivre son bien-être et tout ça. Et nous, on sera amené à appeler, à aller parfois chez les personnes si on a leur adresse, quand on sait qu'elles se mettent en danger, mettre de sa disponibilité pour pouvoir suivre son intuition et éviter le pire. Je crois que ce qu'on a beaucoup réfléchi au niveau de l'équipe de médiation, c'était la question de ne pas être dans une position de neutralité ou de tiers, ce qui est beaucoup défendu un peu dans la médiation en santé. Donc on serait tiers, on serait neutre entre des usagers et des professionnels. Et nous, on s'est dès le départ positionné non pas à cet endroit-là, mais du côté des usagers, parce qu'il y a un rapport de pouvoir. Et donc se mettre du côté des usagers, c'est rééquilibrer ce rapport de pouvoir. Et du coup, on est en position un peu différente d'autres structures qui accueillent de la médiation en santé. Quand on s'intéresse à la faisabilité du projet thérapeutique, ça nous oblige à mieux connaître ou à bien connaître la réalité du patient. Parce que c'est ça qui est important. Moi, je suis relativement peu intéressé, ou ça a peu d'importance pour moi, de savoir à quel âge il a été opéré de l'appendicite, s'il a été opéré de l'appendicite, si c'est pas en buvait, si c'est pas... Bon, pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est sa réalité, donc son métier, sa situation familiale, ses problèmes de ressources, où il habite, comment il vit, son histoire, son parcours de l'immigration, d'où il vient, de quel endroit. Et moi, je suis passionné. Il me raconte. Alors, comme j'ai voyagé en Afrique, j'ai été beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de patients maliens et je connaissais le Mali. Alors, bon, tu viens de là, ouais, et tout. Moi, tu connais. Bon. Et je crée un partage de la vie de la personne. En fait, je construis un diagnostic de l'histoire de la personne. Et pour moi, ça, je vais l'inscrire immédiatement dans le dossier médical parce que je vais le suivre, ça. Ça va me guider. Du coup, là, on arrive sur le deuxième étage qui est plutôt utilisé par le pôle santé droit et la médiation. On fête les anniversaires des gens de la case de santé aussi ici. Et c'est très important de faire la fête. Ça fait partie de la santé. Pareil, il y a plusieurs postes de travail. Les ordinateurs, il y en a plein. Des téléphones, il y en a 28. Il n'y en a jamais assez. On les perd tous. On ressemble à beaucoup d'autres collectifs. Hein. On est une organisation aléatoire. je m'appelle Aja Vanchocho, je suis auxiliaire de vie. Et comment vous avez découvert la case de santé ? Par le biais d'une amie, en 2009. J'avais pas des papiers, donc je cherchais le moyen parce qu'il fallait que je suive une opération. Et du coup, elle m'a parlé de la case, que si je me rapprochais d'eux, ils pouvaient m'aider dans ce sens. J'ai été bien accueillie, ils étaient à l'écoute. Surtout, ils ont fait un truc qui m'a marqué, que j'oublierai jamais. En fait, j'oublierai jamais, c'est que je m'étais fait arrêter. Et je sais pas qui m'a vu, qui a appelé la case de santé. Au centre de rétention, je sais pas qui m'a vu. Et je vais pas vous mentir, la case m'a appelé, je croyais pas. On me dit, madame Javon, on vous appelle, j'y vais, je décroche. Allô, c'était pas réel. En fait, j'ai raccroché le téléphone avant de me rendre compte, mais non, c'est la case qui m'a appelé, donc c'est vrai. Et ils m'ont accompagné d'une manière, ça, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. J'ai pas de famille ici, mais ma famille, c'est la case de santé. C'est la case. Et ils m'ont pas lâché jusqu'au bout. Actuellement, j'ai mon titre de séjour. Je travaille depuis 2020 en tant qu'auxiliaire de vie. Je fais mes 35 heures. Et voilà, en gros, la case de santé, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai globalisé. J'ai l'humanité qui est perdue dans le monde entier qu'on cherche. C'est à la case de santé. On ne peut pas le trouver ailleurs. Pour moi, on ne peut pas le trouver ailleurs. France 3 Midi Pyrénées, 20 décembre 2018. La case de santé menacée, son financement est en péril. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Toulouse. La santé est globale, la préflamme est globale. Comme Fatima, une centaine de personnes ont tenu à manifester leur soutien à la case de santé. Motif de la manifestation, la fin d'une subvention que la préfecture versait depuis 2014 et surtout le pourquoi de cette suppression. On nous dit d'arrêter d'accompagner les personnes étrangères et on nous reproche, un, d'accompagner trop de personnes vers les procédures contentieuses, en gros, d'accompagner les personnes dans leurs droits tels qu'on l'entend. Et on nous dit, on nous reproche aussi de communiquer un peu trop souvent dans la presse quand on est témoin de dysfonctionnements, d'injustices chez les patients qu'on reçoit. Pour la préfecture, cette subvention était ponctuelle, prise sur un budget d'aide d'urgence et pas pour financer une action sur le long terme. Je voudrais inviter mes collègues à raconter des années de lutte quand même. Alors moi, j'étais pas là, du coup, je suis pas bien placée, mais je pense qu'il y a quand même, en fait, 2006 jusqu'à 2014. C'est de la lutte. On racle les fonds de tiroir pour continuer d'exister. Je pense que les collègues ont raconté qu'ils se sont pas payés de salaire pendant plusieurs mois parce qu'il y avait plus d'argent. Et 2014, grosse grève de l'équipe de la case de santé parce qu'elle est menacée de fermeture. Après, je pense, Sama, tu peux raconter, peut-être? À ce moment-là, n'existait pas de financement en tant que tel pour les centres de santé communautaires. Du coup, l'Agence régionale de santé, qui faisait partie des financeurs, ne savait pas dans quelle case nous mettre. Du coup, nous a mis dans la case prévention. Et dans cette case-là, en 2014, au niveau national, on baisse les subventions au niveau prévention. Ils font de même, du coup, au niveau régional, en Midi-Pyrénées. Donc on nous baisse les subventions, ce qui fait que ça impacte le fonctionnement du centre de santé et son existence. Et là, en fait, on a fait plusieurs semaines de grève en demandant à ce que tous les financeurs se retrouvent autour d'une table. Et ça a marché. Il y a beaucoup de choses qui ont fait évoluer, en fait, le fait qu'il y ait d'autres centres de santé communautaires aussi. On n'est plus tout seul. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que c'était favorable pour les centres de santé. Et aujourd'hui, on est financé, même le pôle santé droit, par l'Agence régionale de santé, mais aussi l'accord national des centres de santé et l'article 51, entre autres. L'article 51 est un dispositif expérimental voté en 2018 qui révolutionne le mode de financement des soins par l'assurance maladie. Normalement, les structures de santé dépendent de la tarification à l'acte. L'assurance maladie leur verse de l'argent sur la base des actes réalisés par les médecins. Mais avec l'article 51, les structures reçoivent un budget global, calculé sur la base des dépenses de l'année précédente. Ce fonctionnement global est une révolution. Il permet de financer des actions de prévention, des ateliers, de la médiation, toutes choses centrales dans la santé communautaire, mais qui ne sont pas prises en compte et donc pas financées dans la tarification à l'acte. Alors, c'est encore une expérimentation qui ne doit pas durer plus de 3 ans et à vocation, c'est le discours officiel du ministère, à passer dans le droit commun après. Ce qui fait que toute structure qui de santé, que ce soit une maison de santé libérale ou un centre de santé, qui s'engage sur un cahier des charges, qui est la participation des usagers dans son projet, l'accueil, la médiation, en plus on a rajouté l'interprétariat, et d'avoir des psychologues dans nos structures, si on s'engage à développer tout ça, on a un financement proportionnel qui nous permet de financer les salaires de ces personnes qui travaillent, donc qui sont des professionnels de la santé, même s'ils font pas du soin. On travaille dans la santé et c'est au ministère de la Santé de porter aussi les centres de santé communautaires. Et donc, mais ça a fait, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Enfin, on fait pas 35 heures, même si on défend le 35 heures et qu'on défend pas qu'il faut travailler beaucoup, mais pour tenir et pour faire exister ce projet-là, en fait, qu'il a fallu quand même donner beaucoup plus que ce qu'on, des fois plus que ce qu'on pouvait, je pense. Enfin, c'est beau aussi. Et on est en mixité sociale, ça, je tiens. Enfin, je voulais juste le dire, parce que ça, c'est quelque chose qui est défendu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu le collectif, pas connu même ce que ça voulait dire des inégalités sociales de santé qui sont autour, qui sont ici et qui apprennent aussi, on apprend ensemble. Dégoûtés par l'hôpital, inspirés par la longévité de centres comme celui de Toulouse, des équipes de soignants et soignantes cherchent à ouvrir de nouveaux lieux un peu partout en France. Comme à La Brianne, où une équipe de jeunes femmes travaille depuis plusieurs années à un projet de centre appelé Commune Haute Terre, en 3 mots. Pourquoi j'ai choisi la médecine ? Très bonne question. Je me souviens très bien quand j'étais au lycée d'avoir eu un rendez-vous avec ma conseillère d'orientation. Elle a dû poser la question « qu'est-ce que tu veux faire ?» et je lui avais répondu « moi j'aimerais être médecin social ». Clairement, à ce moment-là, je pense que je réalisais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire « médecin social ». Et elle m'a répondu assez abruptement « écoutez, c'est assez simple, soit vous êtes assistante sociale, soit vous êtes médecin, faut choisir ». Elle regarde mon dossier et me dit « bon, vu votre parcours, c'est sûr qu'il faut que vous alliez faire médecine ». Je crois qu'à ce moment-là, j'avais 17 ans, 16 ou 17 ans, j'ai pas vraiment réfléchi. En fait, je suis allée à la fac et puis voilà. Et en fait, j'ai eu le concours et c'est parti. Enfin, il y a un peu ce truc dans les études de médecine de quand on a le concours, on est parti, on sait pas très bien quand est-ce qu'est la fin, mais on sait qu'il va y avoir une fin et qu'on sera médecin. Et je crois qu'à ce moment-là, je réalisais pas du tout pourquoi je faisais médecine. Il y a eu beaucoup de frustrations grandissantes avec les études de médecine. De frustrations, de colère, je pense, quand j'étais à la fac. J'ai été longtemps en colère contre le modèle médical qu'on me donnait à voir dans les CHU, donc les endroits de stage où on est essentiellement formé les 6 premières années. Donc CHU, c'est centre hospitalier universitaire. Et le modèle qui était donné à voir assez fréquent, c'était un peu un modèle de bonte, de professeur qui fait sa visite, qui parle devant le patient, du patient à la troisième personne, avec une flopée d'étudiants de tout niveau derrière lui, sans dire bonjour au patient, sans regarder le patient. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça a beaucoup généré de colère, je crois, chez moi, avec l'envie d'arrêter carrément. Et puis j'ai rencontré dans des chemins de traverse d'autres médecins, d'autres soignants qui faisaient autrement, qui réfléchissaient sur le soin, sur leur pratique, sur leur posture. Et c'est comme ça que je suis restée en médecine et que je me suis dit que je pouvais avoir de la place pour inventer autrement. Et est-ce que pendant les études de médecine, on parle de santé communautaire ou de médecine sociale ? Pendant les études de médecine, on ne parle pas du tout de santé communautaire, et ni de santé sociale, ni de psychologie. Moi, j'ai longtemps dit qu'une fois passé la 6e année, j'avais pas un diplôme de médecin, mais un diplôme de technicien de santé. On est à La Brianne. La Brianne, c'est un petit village des Alpes de Haute-Provence, dans le sud de la France. Il y a 1200 habitants. Et moi, je m'appelle Zoéline Froissart, je suis médecin généraliste depuis 5 ans. et je travaille à la création d'un projet de centre de santé communautaire sur ce village, du coup. Ce projet, il commence en 2018, d'abord par des réunions très informelles de l'ébauche d'équipe qu'on va être. On choisit le territoire où on va être à peu près vers 2019. On a rencontré une personne de la caisse d'assurance maladie du 04, donc de notre département. Et notre question, c'était, nous, on imagine créer un centre de santé qui ouvrirait dans 4 ans à peu près. Dans 4 ans, quel sera l'endroit où c'est le plus pertinent d'installer des professionnels de santé? Et donc, il y avait deux territoires qui sont ressortis à ce moment-là, dans un rayon de 30 minutes autour de Manosque. On a finalement choisi la Brienne. Le mot communauté a un petit souci en ce moment en France. C'est parce qu'il a été associé, assimilé très souvent d'une manière, moi je trouve, assez honteuse pour des gens intelligents, puisqu'ils sont intelligents, ils savent que c'est pas la même chose que le communautarisme et la communauté. Et donc, du coup, le mot communauté, il devient aujourd'hui un peu difficile à défendre, parce qu'il faut sans cesse expliquer que la communauté, c'est la communauté des habitants, quel que soit leur âge, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur histoire personnelle, quelle que soit leur religion. Nous sommes la communauté des habitants du Framoisin, c'est 12 000 habitants. Voilà, c'est ça la communauté. Alors, comme c'est une communauté très vivante, très riche, justement, des origines, eh ben, il y a beaucoup de solutions qui existent. Et en plus, dans les milieux populaires, la solidarité, le soutien, ça fait partie de la culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste. Il y a aussi tout le reste qu'on connaît, mais je n'en parle pas. Le reste, tout le monde en parle. Je n'ai pas besoin de parler de la violence, des deals et toutes ces choses-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de valoriser tous ces éléments de soutien, de solidarité que je trouve magnifiques. Cette inventivité permanente, cet humour, enfin voilà, et toutes ces choses-là, quand ils s'expriment à la consultation, eh ben, je veux dire, ça rend facilement un médecin heureux. Bien, alors, la commune a la volonté forte d'avoir un centre médical. Et il se trouve que les planètes se sont peut-être un peu alignées. On a rencontré donc des membres d'une association pour ce centre médical. La commune est là pour accompagner. Comme beaucoup d'endroits en France, et peut-être particulièrement en zone rurale, on a une vraie problématique d'accès aux soins auprès des médecins généralistes, qui, je pense, en plus, est un peu renforcée par les distances, qui sont vite importantes, avec des patients qui font une heure de route pour voir un généraliste. Et alors, comment, quand vous arrivez sur ce territoire, comment vous rencontrez la communauté ou comment vous la construisez ? On a choisi de prendre la communauté géographique. Donc, on a défini notre territoire qui allait dépendre de cette structure, de ce centre de santé. La dimension communautaire, quand on rencontre les mairies, souvent, ça les questionne en premier. Mais globalement, une fois qu'on a expliqué, ça veut dire quoi la démarche communautaire, de faire avec les habitants, de s'inscrire dans un territoire, de s'appuyer sur les ressources existantes. Ils comprennent tous et toutes, en tout cas tous ceux qu'on a rencontrés, ont très bien compris et plutôt étaient très intéressés. Et du coup, sur la Brienne, très partant, puisqu'ils s'engagent avec nous. Il va y avoir des réunions de concertation de travail. Il y aura une présentation à la population, hein, parce qu'on est là pour la population. Il y avait une étape aussi, c'est le passage devant l'ARS pour pouvoir aller plus avant dans ce projet. Voilà. En fait, il faut que monsieur le maire, votre serviteur en l'occurrence, signe une lettre d'intention de la mairie pour pouvoir aller plus avant sur ce beau projet. Oui. Moi, si vous me permettez, j'ai des questions à poser. Est-ce que vous serez dans le cadre du libéral ou est-ce que vous serez salarié ? Un centre de santé, par définition, c'est une structure qui n'a que des salariés. D'accord. Du coup, l'ensemble des professionnels... La démarche communautaire, c'est une démarche qui est largement soutenue et favorisée par l'OMS. Nous, on n'a rien inventé. Ça existe depuis au moins les années 60. Et toutes les études montrent que ça améliore la santé des gens. Ça veut dire qu'on prend en compte les conditions de logement, comment elles impactent la santé. Alors c'est pas nous, médecins généralistes, qui allons faire ça, hein, mais c'est parce qu'on travaille dans une démarche communautaire que l'ensemble des déterminants de santé peuvent être travaillés pour améliorer la santé des gens. Et quand on regarde un peu qu'est-ce qui impacte la santé des gens, la question de l'éducation, du logement, etc., etc., sont tout aussi importantes que le soin médical à proprement parler. Du coup, d'avoir rencontré la mairie de La Brienne et de commencer à apprendre à se connaître, ça ouvre des perspectives justement pour travailler cette démarche communautaire, pour travailler la question des logements sociaux, de leur accès, de la rénovation des bâtiments, de l'accès des transports. En fait, on est en campagne, du coup, la question des transports, elle se pose. Comment on fait pour proposer une alimentation dans les écoles qui soit chouette? On peut faire un éventail de questions, mais c'est évident que et nous et la mairie, et on espère les habitants, sont largement partants pour ça. Ils nous sont d'ailleurs même proposés de peut-être intégrer notre association qui sera gestionnaire du centre de santé. Sachant qu'en plus, nous, on avait imaginé travailler en SIC, donc en Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui, du coup, pourrait être la structure gestionnaire du centre de santé avec trois collèges, un collège d'élus ou de collectivités, un collège d'habitants et un collège de professionnels de santé. On rencontre d'autres centres de santé communautaires, à Marseille, à Toulouse, à Lyon. Il y en a plein aujourd'hui qui se développent dans toute la France, à Rennes, à Lorient. Et quand on est entre nous, qu'on discute, on s'aperçoit qu'il se passe des mêmes choses autour de nos centres de santé. On parle de refondation. On parle de refondation, du Conseil national de la refondation. Les questions de santé sont à l'ordre du jour. Eh bien, nous, on dit aujourd'hui, de notre petit coin des Framboisins, mais aussi les centres de santé communautaires, de dire « Hé, on est là. On est une alternative. Regardez ce qu'on fait. On est des gens responsables qui avons construit une pratique de la médecine sociale, certes dans les quartiers populaires, mais on n'est pas avares, nous. On veut bien faire profiter des riches de ce qu'on a appris à faire avec les pauvres. Et au moment où on se pose la question de diminuer les dépenses de santé, eh bien, l'exercice pluriprofessionnel en structure regroupée, maison de santé, centre de santé, avec la participation des usagers, c'est-à-dire pas simplement leur représentation, la participation. Ils nous amènent des savoirs et des compétences dans le donner, recevoir, rendre. Et puis, on construit ensemble une vraie politique de proximité, de santé, et pas simplement améliorer, ce qu'il faut toujours faire, le soin stricto sensus. La case de santé est l'espace idéal pour la santé. Dans sa globalité. C'était Soigner les corps abîmés par la société, les centres de santé communautaires. Avec Didier Ménard, Sama, Virginie, Audrey, Najette, Raïsa, Faïza, Toufik et Zoéline Froissart. Documentation Caroline Chaussé. Je l'avais composé lors des 10 ans de la case de santé. Merci à toute l'équipe de la case de santé et ses usagères et usagers. Merci à Émilie Henry de la Place Santé et à l'équipe municipale de La Brienne. Prise de son, Selim Guéribi. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Faire de la santé autrement, une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralid. Pleine d'enthousiasme, vous vous émerveillez de son dynamisme. La case de santé est le lieu convivial pour la santé en son humanité. Pour la santé en son humanité.